Aller à choix, hein. Oui, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, je t'ai pris dans le suicide, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je prépare ma semaine, faut croire, Sérieux, c'est quoi? C'est les gens de Suicide Action qui sont révoltés par le vidéo de Britney Spears, mais qui, j'ai trouvé un gars qui s'appelle Louis Lemay, qui est un directeur général par intérim de Suicide Action à Montréal, qui lui est cool face à ça. Il dit que c'est pas la fin du monde ce qui est arrivé à Musique Plus avec un vidéo où on voit Britney Spears se faire des affaires pas fines dans un bain tourbillon. C'est pas encore des histoires là, ça de journalistes socialistes gauchistes au Québec. Là, c'est pas une histoire inventée. Ça. Il faut intervenir parce que les Québécois peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est évident que c'est encore ça. Ça aurait été une vision qui avait fait de la vidéo. Ça aurait-tu été une vidéo géniale? Elle se suicidait avec du Kentucky? Ouais. Ouais. Du Kentucky. Il y en a pas aux États-Unis à la séance de venir au Québec. J'écoutais tantôt, tu me faisais pisser mes culottes dans mon auto. Qu'est-ce que c'est drôle? Ça va de faire entendre ça à tes auditeurs. Elle se surpasse à chaque fois. Hein, ouais. Juste trouver le bout, Marie, où est-ce qu'on a mis ça ce matin. Donc, c'était quoi son point? Lui, il disait, c'est cool, c'est correct. Non, son point, c'est que c'est dur, ça heurte, ça peut bouleverser, mais il faut construire à partir de ça. Puis lui, évidemment, la réaction des gens dévoués comme ça, c'est... Dépêchez-vous, donnez-moi des subventions, puis je vais en sauver plus. Moi, j'essayais de faire un lien, puis il m'a dit que c'était de la philosophie de 5 à 7, puis il avait parfaitement raison aussi. J'essayais de faire un lien en disant, à force de mentir à nos jeunes, de leur faire croire que la vie est facile, à 20 ans, la vie les rattrape, à lui maudire coup de pied dans le cul, ils sont pas habitués. Ils s'écrasent tout de suite, puis la preuve, c'est que au Québec, on a le championnat des suicides chez les jeunes, puis en même temps, on a le championnat de l'infertilité chez les jeunes. Puis d'après moi, c'est le même phénomène. Quand tu n'as plus confiance à la vie, tu ne crées pas des êtres humains en faisant des enfants. Enfin, ça. Puis tu risques aussi de te suicider. Ça procède de la même effoirement des valeurs. C'est un beau parallèle, ça. Effectivement, on est les kings pour se suicider et on est les moins bons pour faire des enfants en Amérique. C'est la même chose. Ça vient de la même chose. La femellisation de la société québécoise. C'est drôle, hein? J'étais aux États-Unis quand la vidéo est sortie, puis je pitonnais de temps en temps, puis je tombais un soir entre deux période, je pitonnais dans la MTV puis VH1 et je suis tombé sur la vidéo. Puis j'ai regardé un peu ce qui se passe dans l'actualité et personne aux États-Unis a fait de cas du vidéo de Britney Spears. C'est en arrivant au Québec, en ouvrant les journaux, que j'ai vu une histoire qui est bien québécoise sur la vidéo de Britney Spears. Mais il y a certainement un lien de se scandaliser de ce vidéo-là qui est totalement inoffensif, qui est une vidéo parmi tant d'autres, effectivement, qui traite d'un sujet qu'on ne veut pas entendre parler au Québec. Et on est top one dans le nombre de suicidés. Ouais, puis ça procède de la même mentalité. Le petit gars à l'école qui tire la couette d'une fille est mis en punition. Le petit gars se fait jamais dire qu'il y a du rattrapage à faire parce que les autres sont meilleurs que lui. Le petit gars se fait jamais dire autre chose que « C'est pas grave, Guillaume, viens-t'en, on s'en va au McDo! » Quand il a fait l'imbécile puis qu'il n'a pas donné son effort. Et le résultat, c'est quand il arrive à 20 ans puis que la vie le rattrape, mais il n'est pas capable de faire face à la musique. Puis à 20 ans, quand il s'aperçoit que la vie est bête et méchante, il se dit « Je suis quand même pas pour faire des enfants. » Oui. C'est le même processus, c'est le même réalité. T'as entendu d'entendre Céline? Oh, le contexte, c'est qu'elle se plaint que c'est bien dur de vivre à Las Vegas en millionnaire et elle dit ce qui lui manque. C'est les choses que... Elle va nous raconter des choses qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas ces choses-là près d'elle pour vous montrer comment elle vit la vraie vie des gens de tous les jours, que quand il manque du lait, c'est elle qui va le chercher. On est sûr de ça qu'elle prend le char d'abord, puis qu'elle va chercher de l'argent au dépanneur, puis après ça, au guichet automatique, elle rentre dans le dépanneur, puis elle prend une pinte de lait. Je suis pas sûr qu'elle sait c'est où sont les pintes de lait d'un supermarché. C'est pas compliqué, elle s'ennuie. Ouais, les gens qui vivent au Québec, qui mangent Saint-Hubert à tous les jours, et qui mangent Harvey, c'est on est titane, c'est mon ça fait aller si d'aller ailleurs. Mais quand t'es toujours ailleurs, t'as tellement le goût là d'aller chercher une sodière, d'acheter Kentucky, puis là c'est mon manger Saint-Hubert, ça fait pas d'allure. On me semble là, des vrais bagels, puis en tout cas. Il y a bien de plein de choses qui me manquent. Des vrais bagels. Des vrais bagels, mais une chaudière de Kentucky, pour elle, c'est le symbole de la liberté. Oui. C'est ça qui fait qu'aux États-Unis, elle s'ennuie parce qu'elle est privée de ça. Oui. Mais quelle sorte de maudite folle... ne s'est pas aperçu qu'il y en avait partout des Kentucky et des bagels. Une des grosses chaînes de bagels aux États-Unis a été partie par un Canadien. Qui lui, une histoire, qui en tout cas, la chaîne a été rachetée par un des majors. Là. C'est ça qu'on appelle les frères Einstein? Une patente de même. Là. Ouais. Puis, en tout cas, l'histoire, la recette a été volée. Le gars était un concurrent d'un autre. Il a commencé à sauter la femme de ce gars-là. Il a volé sa recette. Mais c'est une histoire qui ça se tient pas de bout, là, mais c'est arrivé pour vrai. Un gars des Dolphins avec un Canadien, un gars qui a joué au hockey à Boston, qui a sauté le joueur des Dolphins, qui lui avait une chaîne qui est devenue maintenant une chaîne nationale achetée par une grande compagnie, a piqué la recette salée devant un tribunal, cette histoire-là. Mais les bons bagels, hey, les bons bagels, puis la chaudière de Kentucky. La chaudière de Kentucky, tu peux pas l'acheter aux États-Unis, c'est que tu t'ennuies à Las Vegas avec un appartement rempli de souliers que tu portes jamais. Maudite niaiseuse. On va se reprendre, c'est une sans talent. Ben, regarde, je reviens toujours à ma définition. Définissez, Dion, c'est une BS riche. Oui, oui, c'est une BS riche. C'est une BS sans talent, c'est une interprète. Il y a des gens qui ne devraient pas me dire, qu'est-ce que t'as, contre Céline? Ben, j'ai rien contre Céline. C'est vous autres qui en faites un plat. C'est pas moi qui me l'a... Avant que Céline arrive, toutes les interprètes, pour moi, étaient des... autant les femmes que les hommes, c'était pour moi des gens qui avaient le don de chanter. Mais avoir le don de chanter, tu chantes pas tes tunes. Moi, j'ai de l'admiration pour un créateur qui chante ses créations. J'ai pas d'admiration pour quelqu'un qui achète des tunes à Corey Hart, puis qui donne 100 000 pour une tune, puis qui chante, puis qui me fait semblant qu'il y a des émotions dans la tune. C'est pas elle qui l'a écrit. Ni la musique, ni les paroles. Non, je dis, arrêtez de penser que j'en ai contre elle. J'en ai de ce qu'elle fait, elle. N'a rien à foutre. Et son déficit d'authenticité est tellement évident quand tu la compares à des vrais. Regarde, on peut même aller aux frontières du ridicule, puis comparer Céline à Dolly Parton. Dolly Parton, qui est une exaltée, Dolly Parton, qui est une force de la nature, Dolly Parton, qui est une femme remarquablement intelligente, qui a composé plus de la moitié des chansons qu'elle a interprétées, y compris le succès de Whitney Houston. Puis tu vois, là, c'est quoi? Hein? Elle n'a pas plus de talent que Céline, Dolly Parton. Mais tu vois qu'elle a une personnalité, qu'elle n'est pas l'esclave d'un homme qui la manipule comme une marionnette, puis qui l'a mariée pour pas avoir de problème. Ben souvent, on achète beaucoup même la personnalité d'un artiste quand on aime un artiste. Les plus grands qui ont réussi ne sont pas nécessairement les plus talentueux. Qu'est-ce qui a fait que les Stones sont devenus les Stones, puis qui sont encore là aujourd'hui, puis qui ont une carrière qui dure depuis près de 40 ans maintenant? Ils ont connecté sur quelque chose. Ben oui, leur personnalité, leur allure, leur style, la manière qui nous ont fait vivre toutes leurs frasques. C'est ça. Céline, c'est quoi, là? Elle ne fait vivre rien. Sauf que c'est la première qu'on voit qui dure avec si peu de talent. Oui, et là-dessus, c'est le talent d'Angélil, oui, d'avoir créé quelque chose à partir de rien. Le seul talent que je reconnais à Céline Dion, c'est celui qui n'a jamais été exploité. D'après moi, c'est une imitatrice remarquable. Ben, regarde, à limite, ça, une fille qui chante. Ouais. Je disais ça tantôt, je disais, Céline Dion chante comme un imitateur, un humoriste qui chante. Je prends, comment il s'appelle celui de Vegas? André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon. André-Philippe Gagnon est capable d'emprunter la voix de n'importe qui. Céline Dion est probablement quelqu'un qui emprunte la voix d'une chanteuse. Et d'ailleurs, elle le fait avec les accents. Quand on lui fait chanter des chansons latino, elle chante comme une Américaine qui chante du latino. Elle imite. C'est une imitatrice. C'est ça qui me sidère à chaque fois. Elle a un talent extraordinaire pour s'approprier des accents. Elle parle avec l'accent de Charlemagne, mais quand elle chante, elle imite l'accent de l'une ou de l'autre. C'est remarquable ce qu'elle fait. Et ça m'a marqué, moi, dans le début de sa carrière américaine, où quand elle arrivait dans les entrevues, où elle avait pris ses cours d'anglais chez Berlitz à Montréal, elle était tellement prête, André, tu vois que c'est une fille. C'est une certaine intelligence ou encore une bonne mémoire ou n'importe quoi. Alors, probablement, ce talent-là de s'adapter à n'importe quelle situation, elle avait l'air d'une Américaine. Elle avait l'air d'une fille qui avait contrôlé l'anglais depuis l'âge de 2 ans et demi. Tout était là. Son habillement, tout tout était là. C'est une bonne actrice. Te rappelles-tu la fois où elle imitait une impératrice, une pharaonne égyptienne, lors d'un mariage bidon à Las Vegas, pendant que René Angélil était incapable de retenir son fou rire devant le ridicule des chameaux, puis des serpents, puis des plateaux de fruits? Elle était rentrée dans le personnage. Et elle imitait une pharaonne. Ah oui, elle faisait pour vrai. Oui, elle était là, elle. Ah, il est spécial. Yes. René, on va lui donner. René a une vision, il a un talent, il a réussi avec ce qu'il avait à faire, une méga entreprise. Ah, et elle va être à Vegas pour les 20 prochaines années, si elle le veut. On dompe un jour dans sa maison une très mineure jeune fille, en disant, es-tu capable de faire quelque chose avec ça? On pense qu'elle a du talent. Et il a créé Céline Dion. C'est remarquable ce qu'il a fait. Il faudrait aussi s'apercevoir que c'est le genre de fille qui s'ennuie aux États-Unis parce qu'elle peut pas avoir une chaudière de Kentucky. Okay. C'est grave. C'est vraiment grave. Tu m'as fait rouler à terre. Hey, André, je ne sais pas si en tant que contribuable canadien avec tes impôts que tu payes à Ottawa, tu es de bonne humeur de savoir que sur le Globe and Mail, Don Cherry va être flushé par Radio-Canada. Radio-Canada anglais, le seul moment de la semaine où ça fonctionne, où il y a des codes d'écoute et où il y a des revenus. C'est-à-dire que ça coûte moins cher à produire que les revenus publicitaires que tu fais. Le seul moment de la semaine, c'est le Coach's Corner de Don Cherry. Ils vont le domper. Ils vont le domper en raison des pressions politiques, en raison des pressions médiatiques venant surtout du Québec. Ils vont réussir. Et dans la même journée, j'apprends qu'on engage une ancienne bonne femme du Parlement de Québec, du Parlement de la colline ici, quelqu'un qui va être la boss de Radio-Canada Québec, une avocate qui n'a jamais tenu un micro dans ses mains, qui n'a jamais passé devant une caméra. Quelle sorte de compagnie que c'est ça? De quoi tu parles, là? Je suis en train de me dire que la chum à Petit Bedeau a perdu sa job à Québec à Radio-Canada? Je vais te raconter une anecdote. Il n'y a pas longtemps, notre patron, Patrice Demers, a reçu un téléphone d'un headhunter, un chercheur de tête, lui offrant le poste de grand boss de Radio-Canada à Québec. Yeah! Avec un salaire qu'il disait important de 75 000 $. Et Patrice, c'est non pas pour le salaire, mais bien pour le défi en étant un homme qui investit de l'argent. Il n'a pas dit non de suite, hein? Et il m'a rappelé et me dit, tu sais pas ce que j'ai eu un téléphone. Et effectivement, ça va peut-être marquer la fin des émissions pour une des bosses de la radio à Québec, qui elle aussi a jamais connu de succès partout où ce qui est passé. Mais il y a une nouvelle bosse. Je sais pas si tu l'as vu dans le soleil de ce matin. Non. Tu l'as pas vu. J'ai pas eu le temps d'ouvrir le souvenir paroissial des amis de des amis Jean-Paul Lallier. Là. C'est dans le cahier art et spectacle. Ah. Du soleil de ce matin. La photo. Ah! C'est les Dion. OK, attention. A perdu 20 Louise Cordeau. Directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale au PQ. Pendant 9 ans. OK. Elle s'en vient à la télévision. Nouvelle directrice de la SRC à Québec. D'abord, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont besoin de deux boss. Il n'y a quasiment pas de production à Québec, autant à radio qu'à TV. Ils ont besoin de deux DG. Qu'est-ce qu'ils font, ces DG-là, dans la journée? Explique-moi ça, là. Il y a un DG à choix, deux stations, qui n'a rien bien d'un réseau, et qui doit faire ses ventes parce qu'il n'y a pas de subvention qui arrive d'Ottawa, puis il n'y a pas de crédit d'impôt qui arrive pour les gens qui fournissent les émissions. Il n'y a rien de ça, là. Tu dois te débrouiller, tu pars à zéro, tu dois trouver le cash, puis tu dois trouver le monde, puis tu dois avoir des codes pour vivre. Ça se demander vraiment qu'est-ce que cette personne a dans le milieu politique, avocate, pour devenir la patronne de la télévision française de Radio-Canada à Québec et dans l'Est du Québec. C'est les mystères de Radio-Canada, mais on ne les percera jamais. Pendant ce temps-là, ils vont se débarrasser de Don Cherry. C'est le seul grâce au ciel, on a eu Denis Coderre pour nous défendre, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça, là, regarde. N'eût été de la présence de Denis Coderre, l'homme qui, quand il est BS, se fait héberger par les agences de publicité. Moi, ouais, ça, il est en peine d'amour. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est en peine d'amour. Denis Coderre, d'ailleurs, on attend toujours le texte de Régent Tremblay. Ça fait 4 mois qu'on l'attend depuis le scandale des commandites. Denis Coderre, qui n'a jamais chié de marde pour Régent, il en parlait à tous ses. Toutes ces chroniques, les gens nous parlaient de Denis Coderre comme étant le plus grand politicien qu'il a rencontré dans sa vie, le plus grand des ministres de sport qu'on a eu au Canada. Tu parles à des athlètes qui sont subventionnés par le gouvernement et disent ça n'a rien changé, mais regarde, sweet fuck out, à rien. Il y a eu le traitement Marcel Aubut, lui. Quand Régent adopte quelqu'un, il lâche pas. Ah, il lâche pas. Quand quelqu'un le condescend à lui donner du papier, Régent le récompense en disant qu'il est meilleur que les autres. Sauf que depuis le scandale des commandites, rien. Pas une salutation, pas comment va Denis, pas Denis c'est le meilleur, il n'y a plus rien là. Mais Denis va embarquer dans autre chose, puis Denis va avoir son crédit encore. Non, non, regarde, Régent, il agit comme ça. Rappelle-toi la fois qu'on l'avait pogné à faire le contraire avec Mario Tremblay. Parce que Mario Tremblay avait pas voulu lui donner une faveur particulière et que Régent Tremblay s'était fait pogner à menacer que Mario Tremblay à la radio avait démontré que Régent l'avait dénoncé en disant que c'était un coach pioui, seulement après qu'il ait refusé une entrevue personnelle à Régent Tremblay. Yes. Non, jusque-là, il l'avait supporté. Oui. Ben, il a rajouté il n'y a pas longtemps, c'est de Alain Vigneault, non, Michel Therrien. Ouais. Il est allé voir Michel Therrien, il a dit, Michel, pour telle et telle raison, tu vas dormir en paix. Tu vas rester coach. Tu vas rester coach, je m'en occupe. Ouais. C'est le même gars matin qui nous parle de Théo, là. Ça, je ne sais pas pour qui les gens nous prennent, mais je te lis ce qui est écrit ce matin dans la presse. Ouais. Ça, là, l'histoire de Théo, là, il y a quelqu'un. Ça prendrait une étude sur le cas de Théo. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là ont à gagner de vouloir défendre Théo à tout prix, mais c'est écrit de la part de Régent Tremblay ce matin. Théo était le sujet de la journée hier. Pour plusieurs raisons, après avoir fourni 5 grosses performances consécutives, 3 matchs contre les Bruins et 2 contre le Lightning, il a été ordinaire ce soir. Il a pris ça où, les 5 grosses victoires de Théo, les cinq grosses performances? On dirait une espèce de clergé plein de sport. Alors qu'en même temps, dans le même journal, son collègue, Ronald King, écrit que José Théodore est fini. Je vais te le lire. Pensez-vous qu'on verra un jour le José Théodore d'il y a 2 ans alors qu'il était touché par la grâce? J'en doute. Il est très difficile de maintenir une performance à ce niveau, mais il faudrait bien que notre José national, qui soulève tant de passion, élève son jeu d'un cran, comme ils disent. Sinon, on va commencer à penser à un feu de paille. Depuis 2 ans, enfin, Théo est un gardien plutôt ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde de plus en plus ailleurs, vers Garon, par exemple, où on tolère de la part de notre gardien le jeu qu'il nous donne à 5 millions. Plus facile à dire qu'à faire. C'est le même gars. Puis Jack Todd, dans la presse, explique les contre-performances de Théo pendant les séries, alors que Régent, lui, voit des grands matchs partout. Jack Todd, il dit, ben écoutez, là, avec tout ce qu'il y a dans sa vie personnelle, c'est normal qu'il va pas gauler. Le but gagnant, là, sur le derrière de la pad, c'est extraordinaire, ça, le but de Richard. Il n'est pas réveillé là-dessus? Non, c'est épouvantable. Il était là, occupé à admirer son arrêt. Comme il est occupé à admirer la calotte mode qui va se mettre, là, qui fait différent pour faire jaser comme il a mis hier, là. J'ai jamais pu regarder sa petite barre pour s'assurer qu'il peut faire le beau devant les caméras, faire l'amour. Est-ce qu'un jour on pourra croire que Théo a aussi été une victime du vedettariat montréalais qui fait des vedettes avec rien, puis qu'ensuite il exige qu'il mérite d'être vedette, même s'il ne méritait pas quand il est devenu? Ça aussi, c'est très, très, très... Commun, mais extrêmement délétère. Ça détruit un homme, ça. Oui. Tu fais une vedette avec quelqu'un qui ne mérite pas de l'être, puis ensuite tu y en veux parce qu'il ne mérite pas d'être vedette alors qu'il est vedette. C'est ça. Mais t'es la même personne là, qui l'a créé. Puis ça, c'est un danger qui guette les communicateurs. Des fois, on tombe en amour avec une idée, avec une personne, avec un symbole, puis à un moment donné, on se réveille pour s'apercevoir que ça n'a pas de bon sens. Moi-même, je pense que si je fais attention à 30 ans de ce que j'ai fait, ça m'est arrivé aussi de penser que quelqu'un est mieux que les autres, puis ensuite lui reprocher d'être ordinaire, alors que je m'étais trompé au départ. Mais le problème dans le cas de Théo, puis moi, ça fait depuis le jour 1, on s'est excité pour rien. Il y en a qui ont battu. On avait tellement soif d'avoir une vedette, et elle était francophone, qu'on l'a nommée vedette avant qu'elle nous donne quelque chose pour l'identifier comme vedette. On avait besoin d'un successeur à Patrick Roy, à Guy Lafleur, et ainsi de suite. On avait besoin du gars sur lequel on pouvait s'accoter, puis pouvoir jaser, puis devenir un journaliste important, parce que les gars s'ennuyaient. Ça faisait 3-4 ans qu'il écrivait dans le journal, puis personne il disait. Quelqu'un qu'on pourrait contrôler. Oui. Lui, il est passé fort. Effectivement. À la gang, on sait tout. Yes. Louise Cordeau, 1982, Carnaval de Québec, Duchesse de Champlain. Ouais. Rappelez, ça, c'est à peu près à l'époque où ils ont dit, dorénavant, les duchesses vont être moins belles, mais vont être intelligentes. C'est ça, ça borde de là, ça tient. Parce que... c'est pas juste le look qui est important. Mais... Hey, C'est un peu la réflexion que je voulais faire. Mmh. Les duchesses, c'était pas toutes belles, finalement. Non, non, mais là, quand on s'est aperçu qu'elles étaient laides, ils ont dit c'est parce qu'elles sont intelligentes. Vous vous rappelez pas de ce fois-là? C'est où qu'elle s'est fait couper les cheveux, sa photo dans le Journal de Québec? Mmh. Juste pour que les femmes y aillent pas, là. Au lance-flamme. Hey, les gars, j'ai une information sur la prostitution juvénile. Oui. Puis c'est une question qui n'a pas encore sa réponse. Sur le bonhomme carnaval? Non, le bonhomme carnaval, ça, c'est grave. Là, c'est vulgaire, là, défendu par le fils de Michel Saint-Laurent. Comment? C'est sans pas de classe. On ne peut pas s'abaisser à ça. Là. OK. Mais ils ont commencé à chier. J'écoutais à Radio-Canada un matin, Alain Saint-Ours, il a commencé à chier sur la petite témoin en disant qu'elle ne se rappelle pas de la bonne couleur de la voiture, puis que ça va être exploité par les avocats, ça. Puis je ne sais pas, Alain, pourquoi est-ce qu'il est tellement hostile envers ces petites filles-là? Ça, c'est-tu le gars qui a fait un reportage d'à peu près une minute et demie sur la condamnation de Robert Gillet, puis il a oublié de nous dire qu'il était condamné? C'est ça. Il a dit qu'il était acquitté. Il a dit qu'il était acquitté de deux dossiers, puis il a même dit qu'il était trouvé coupable du troisième. C'est lui, ça. Puis un jour, il va falloir qu'on s'arrête, puis qu'on lui demande à Alain, mais pourquoi t'es hostile de même envers les petites filles? Pas juste lui, là. Moi, je me rappelle une entrevue qu'un maire. Mm-hmm. Ces gens-là qui nous sortent des histoires de même, puis qui veulent à tout prix que ces gens-là, qu'ils ne connaissent pas, là, mais ils veulent à tout prix qu'ils s'en sortent, puis ils sont pas capables de cacher leur parti pris pour non pas les victimes, mais les accusés. C'est tout le temps louche. Hein. C'est parce que ça doit être tannant pour Jean-Paul Lallier. Là. C'est son deuxième proche là, qui est accusé. Là. Cloutier, c'est presque aussi proche que Robert Gillet, ça. Du maire de Québec, Jean-Paul Lallier. Ça veut pas dire qu'il est tout croche, ça veut juste dire qu'il est tout proche, le même proche. Il est proche! Et dans ce dossier, qui n'est pas celui de Cloutier, mais dans celui de Robert Gillet, on a observé un comportement étonnant de la part des procureurs de la Couronne en général et de Mme Lacroix en particulier à l'occasion des procédures devant son honneur le juge Sleeman Martin. Ce que l'on a observé comme comportement, c'est qu'à un moment donné, et jusqu'à la fin des procédures, la procureure de la Couronne et son adjoint, le petit écureuil dont j'oublie le nom, là, ont commencé à refuser systématiquement les conférences dans le bureau du juge avec les avocats de Robert Gillet en présence du juge. Il est arrivé quelque chose, me dit-on, et à partir de ce jour, chaque fois que le juge voulait faire une conférence dans son bureau avec les avocats, la Couronne refusait et disait, mais si vous avez de quoi dire, dites-le devant les policiers, dites-le devant le public, pas besoin de le dire devant le jury, mais vous devez le dire publiquement, monsieur le juge, sans ça on ne veut pas vous entendre. Et c'est à la suite de quelque chose, il y a des rumeurs dans le milieu qui circulent sur les raisons qui ont amené la Couronne à refuser cette courtoisie habituelle des avocats d'aller dans le bureau du juge pour régler certains problèmes avec la partie adverse. Et là-dessus, je pense qu'on va en entendre parler de ça. C'est gros? C'est gros. Oui, ça, après moi, c'est gros. Ce que j'entends est gros, mais je ne suis pas capable de le confirmer de sources indépendantes. Mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose, et de cet événement-là, je pense, après en avoir parlé au ministère et après en avoir parlé avec les policiers, les représentants de la Couronne ont dit, fini, on ne rentre plus dans le bureau du juge avec La Rochelle puis les autres. On n'y va plus. Comme pour se soustraire à certaines formes de pression. Est-ce que c'est le genre de choses qui, pour les gens qui suivent ça, arrive souvent, ça? Non, quelque chose que c'est tellement inhabituel que les gens de la Couronne ont dit, « Hein? On s'y rêvait, là? Est-ce qu'on vient d'entendre telle affaire, là? » Et à partir de ce moment-là, ils ont dit, « Regarde, on ne peut plus se permettre d'y aller. » À gang, on sait tout, Louise Cordeau est la fille de l'ancien député unioniste de Saint-Hyacinthe, Fabien Cordeau. Bon, s'il y en a d'autres qui ont de l'information, go! À gang, on sait tout, on finit toujours par le savoir. On fait un break de deux minutes, André, et on revient ici à choix, et à CKNU 100.9. Pour rejoindre l'équipe d'André Arthur, faites le 670-1009 ou sans frais le 1-800-670-1009. Rose, le 103.7. CIMI FM. que la navigation de plaisance reste plaisante, vaut mieux les vrais marins de G&A Bourque Marine. Conseils judicieux et gratuits, réparation de pneumatiques, confection de toiles sur mesure, service de réparation et de mise au point complet pour à peu près n'importe quelle marque. Ce sont les nombreux services que vous offrent les vrais experts de G&A Bourque Marine. La sécurité sans sacrifier le plaisir, G&A Bourque Marine, 837-1566, 837-1566. On sait comment ça marche. Vous allez dans une salle d'entraînement, puis deux semaines après, deux mois plus tard, vous abandonnez. Le haut de gamme de l'entraînement personnalisé est enfin arrivé à Québec. Whitum et Boucher, le seul centre de la province où la science et la technologie sont mises à votre service et où le maintien constant de votre motivation est une priorité. Nous ne visons qu'une chose, c'est que vous atteigniez vos objectifs. On est comme la fine cuisine, puis les autres, le fast-food. Whitum et Boucher, centre clinique de physiologie de l'exercice, 667-0440. Pour casser la routine, il y a des couples qui le font en chantant. D'autres qui se donnent des noms. Ah, ma Juliette. Ah, mon Tarzan. Et il y a des couples qui vont à la boutique érotique Adam et Ève. Jusqu'au 31 mai, c'est 15% sur toute la marchandise le lundi, mardi et mercredi. Ouvert en semaine jusqu'à 21h, la fin de semaine jusqu'à 18h. Boutique érotique Adam et Ève, là où le sexe n'est pas un péché. 15,99, Vestimouville-Beauport, face aux Galeries Sainte-Anne. 660-6161. Les propriétaires de piscines connaissent le défi d'avoir de l'eau qui soit claire, limpide, saine et pas huileuse. Entretien de Piscine Souci vous fournit des conseils professionnels, une eau saine et étincelante, un laboratoire d'analyse, un diagnostic précis et gratuit, une sélection de produits adéquats, des marques supérieures, telles HTH Extra. Entretien de Piscine Souci, boulevard Hamel entre Masson et Duvallon, 872-44-40. De retour, il est 8h56 à Choix Radio. C'est assez connu. Qu'est-ce que tu avais pour ça sur ta liste? Ben, j'avais ça, la position juvénile, le bonhomme carnaval qui est bien tannant, les petites vides d'une demi-heure avec. Ben oui, avec... c'est sûr parce qu'il est cheap ou bien parce qu'il est vite? Ben, peut-être que c'est un gars qui a un bon sens des affaires puis qui sait qu'une demi-heure à 50$, il aime mieux se concentrer sur l'essentiel que. Que de perdre du temps de faire... perdre du temps avec des préliminaires, tu sais. Il n'a pas se vider. Ou encore, une chose qui me dérange, c'est que ça semble être un buveur de vodka jus d'orange. Ouais. Alors que la vodka jus d'orange, traditionnellement, c'est un drink d'été. En particulier le Harvey Wallbanger. Quand vous ajoutez à un screwdriver une touch de Galliano, à ce moment-là, vous arrivez avec un scandale des commandites puis un drink absolument extraordinaire. On en vient donc à la conclusion que lui, une demi-heure, ça suffit. Lui, il dit peut-être que si je prends à ce prix-là deux demi-heures sur deux jours différents, je viens deux fois au lieu d'une au même prix. C'est possible, mais c'est cute. Il vient peut-être plus qu'une fois par demi-heure. J'ai aimé le commentaire de la grande jeune fille qu'on appelle Louise, qui est celle qui a fait, en fait, avec son témoignage, fait condamner Robert Gillet. J'ai aimé, puis il semblerait, en tout cas de ce que Denis m'a dit, que ce genre de choses-là était également dit. On n'est pas revenu beaucoup là-dessus dans les médias le lendemain et les jours d'après, mais elle a bien dit que, oui, elle dit aux gens qu'elle a 18 ans, qu'elle avait 18 ans, mais si les gens insistaient le moindrement, qu'elle disait son âge véritable. Elle ne cachait pas rien. Là. Yeah. Donc, Robert, lui, de son côté, dans son Golden World Tour, où il a été, entre autres, touché sur les cuisses par une dame de Radio-Canada, RDI, ici à Québec, qui disait, « Ah, Robert, ça n'a pas dû être facile. Hein. » Ça n'a pas dû dormir, mon Robert. Ben, oui. Donc, pas dû... Raconte-nous donc l'histoire de la tourtière, là, quand tu as reçu des gens là, à Noël, le 24 décembre, tu es allé chercher une tourtière, et que les gens te l'ont donnée parce que c'est des gens d'une bonne épicerie et une bonne famille. C'était de toute beauté. On a oublié de poser les vraies questions. Robert disait que, écoute, là, elle avait l'air de son âge, puis c'était une femme intelligente avec qui c'était le fun de jaser. Puis je me suis informé, et pas à peu près, puis elle m'a dit qu'elle avait 18 ans, alors que l'autre nous dit, mais non, la minute qu'on insistait le moindrement, je disais que j'avais que j'étais mineur. Et même que je proposais d'autres filles, d'autres de mes amis. Ça nous amène à quelque chose, c'est que je crois que le Golden World Tour de Robert Gillet et la publication de certains témoignages semblent avoir remis en marche certaines enquêtes. L'impression que j'ai, c'est que le recoupement d'informations comme tu viens de faire. Lui dit ci, elle a dit ça, puis soudain, si on met les deux ensemble, on s'aperçoit de quelque chose de supplémentaire. Ça semble avoir remis en marche certains éléments d'enquête présentement par les policiers de la ville de Québec. On me dit que la semaine dernière semble avoir été fébrile. Oh, à certains égards, et que on aurait brûlé l'huile de minuit là pour être capable de terminer la semaine dernière, tout en préparant le procès de monsieur du bonhomme Carnaval, être capable en même temps peut-être de faire assez de certains regroupements et compléter certaines recherches qui peut-être donneront la chance au ministère de la Justice, après le passage de M. Bellemare, de montrer que les policiers sont encore capables d'avoir le support nécessaire des politiciens pour continuer une enquête à Québec. Alors, je ne veux pas en dire plus, parce que ce que j'ai là, je l'ai de source assez privilégiée, mais pas confirmée. Puis je ne voudrais pas avoir l'air d'un gars qui lance des rumeurs, là, mais j'ai obtenu au cours des dernières heures des informations qui me laissent croire qu'il y a encore de la flamme dans le fanal. Encore l'œil du tigre. Ouais, il y a encore l'œil du tigre. Yes. Parfait. C'est ça qu'on veut. On a toujours dit qu'il faut que ça continue. Faut qu'il check. Faut qu'il watch. C'est amusant de voir aussi la jeune fille hier qui dit qu'elle est en contact avec Scorpion et qu'elle entend poursuivre des clients. Elle travaille avec des avocats, la possibilité de poursuivre certains de ses clients. Ce qui est intéressant, c'est Alain Saint-Ours de Radio-Canada qui a réussi à prendre le contre-pied de tout ce qui était positif pour les jeunes filles depuis le début de ça. Je me demande pourquoi. Alain, faut que tu m'expliques ça, Alain. C'est quelqu'un que tu connais? Alain Saint-Ours, c'est un gars avec qui j'ai travaillé à CKC. C'est un bon newsbomb et c'est le genre de gars que, s'il était resté ce qu'il était, aurait fait un travail extraordinaire dans la prostitution juvénile. Soudain, il s'est mis au service de ceux qui veulent discréditer les jeunes femmes, et je ne sais pas pourquoi. Il a failli demander. Mais, d'ailleurs, il disait ce matin, dans une conversation avec le petit frère à Claire Lamarche, qui travaille à Radio-Canada, il disait que la fille allait peut-être poursuivre certains des gens qui auront été condamnés. Alors, c'est précisément le contraire. C'est que les jeunes femmes pourront, si elles le désirent, grâce à la Fondation Scorpion, poursuivre ceux qui n'ont pas été accusés et contribuer ainsi, non seulement à leur faire peut-être des bourses d'études, à ces jeunes femmes-là, mais contribuer peut-être aussi à mettre sur la place publique ce que le ministère n'a pas voulu mettre sur la place publique. C'est quoi la différence? Rappelle-toi le scandale des prostituées d'Hollywood où, lors du procès, on a eu droit aux livres de réservation, puis tous les noms, même si ces gens-là n'étaient pas accusés en tant que clients, on a eu droit à tous les noms du gratin hollywoodien qui étaient des clients réguliers de l'agence. Pourquoi ici, on n'a pas osé aller jusque-là, mais même qu'on a retenu l'information? C'est un système différent, c'est... Peut-être que c'est parce qu'ici, nos journalistes ne sont pas au service du public, mais au service de la petite élite. Peut-être que c'est juste un manque de professionnalisme et d'intégrité de la part des journalistes. Que tout le monde agisse dans le même sens, ça aurait été étonnant. Mais qu'il y en ait quelques-uns qui fassent la job, ça aurait été merveilleux. Il n'y a pas de journaliste d'enquête qui s'est fait par des journaux, de la télévision, à part de Dominique Moret. Il n'y a personne qui a fait du journalisme d'enquête autour de la prostitution juvénile ici. C'est épouvantable, ça. C'était le sujet du siècle. C'est la différence entre nos journaux, notre télévision, notre information en général. Quand je me tape les journaux anglophones qui ont leurs défauts, là, au Canada anglais, mais au moins, si tu as un sujet qui est une histoire qui est grosse, que ce soit international, local ou peu importe, tu auras toujours deux côtés où tu vas pouvoir lire, tu vas soit être tête de cochon puis te stiquer sur ton idée, dire « Ah, lui, c'est mon gars! » Ou encore lire l'autre qui peut t'amener des points popés. Il y a une confrontation d'idées et de faits et d'événements ou encore de profondeur dans un texte qui peut t'amener à réfléchir que tu n'as pas dans la presse québécoise. Tu trouves pas ça? C'est toujours « one way ». Je ne sais pas pourquoi. Je rapproche ça de l'incompétence et de la paresse, mais ça explique pas tout, là. Je peux pas prendre en grippe des petites filles victimes d'un réseau de prostitution, puis baver dessus à chaque fois que tu prends le micro à Radio-Canada, et jamais être obligé d'expliquer, coudon, c'est quoi ton problème avec ces petites filles-là, toi? Et pourquoi l'animateur ne demande pas? Ouais. Comment se fait qu'ils disent, hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est pas ça qu'ils ont dit. Les petites filles, ils n'ont pas dit qu'ils étaient pour poursuivre ceux qui ont été condamnés. Ils ont dit qu'ils étaient pour poursuivre ceux qui n'ont jamais été accusés. Le gars Lamarche que tu parles, le frère de Lamarche. Ouais. De la Lamarche. Ouais. Celui qui s'évanouit. Oui, oui. Lui, c'est un gars, j'imagine que s'il est rendu ce qu'il est rendu là, c'est un gars qui bouffe de l'information, qui lit les journaux, qui écoute tout ce qui se passe. Il sait, lui, ce qu'il s'est dit hier. Oui, c'est le même qui avait donné une entrevue au Soleil en disant qu'il croyait pas ça, que Robert Gillet avait fait ça. Ouais. Mais il ose pas poser la question, mais coudonc, de ce que j'ai écouté ou de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, t'en as oublié un bout. Puis là, ça fait 3, 4, puis 10 reportages que tu me fais, puis à chaque fois, t'es en train de me ramasser puis de peinturer les filles dans le coin. C'est quoi ton problème? C'est de par le style de radio, ça ne se fait pas, ou c'est parce que lui aussi, ça fait son affaire de pas en parler de cette manière-là? Ou parce que, oui, ou parce que il y a trop de monde là-dedans qui sont proches de Jean-Paul Lallier. Et Radio-Canada est au service de Jean-Paul Lallier à Québec. Et de Robert? Et de Robert, c'est des petits tours particuliers, des nouveaux bureaux. Parce que Robert a visité, là. Bobichou. Bobichou a visité l'endroit quand ils ont déménagé. Il y a eu la même visite que le maire a eue, là. Exactement. Et c'est dans le même endroit où il a visité qu'on lui a fait l'entrevue à la grandeur du Canada. Puis qu'on lui a mis la main sur le genou en disant, ça a dû être dur, Robert, là. Ça va être facile ce que vous venez de vivre. On a oublié de dire qu'il avait été trouvé coupable dans un reportage d'Anne Saint-Ours. C'est grave. Oui, mais c'est drôle en même temps. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là, mais c'est pas triste. On, dans les tempêtes, on apprend à connaître un peu mieux les gens qui nous entourent. Ouais. André, passe une bonne journée. Salut. On s'en parle demain. Il y a 9h06 à Choix Radio.